avec coupé à pied, pas frappé. Il voulait en aller, avec des chita, cogner son bail, il n'est pas commencé. En aller, avec des chita, cogner son bail, il n'est pas commencé.